J'ai trouvé un nouveau bébé. Dans une pochette surprise. Bien gaulé, bien proportionné. Avec une bouche. Non, la bouche comme une cerise. Mais son mari est venu me chercher et venu me trouver. Il m'a cassé le nez. C'est ça? J'ai trouvé un producteur avec un contrat en or. Il m'a garanti dans un an. Tu seras connu comme le loup blanc. J'ai dit ok, le temps presse. Il est parti avec la caisse. J'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles dans un carré de cerfeuil. Je l'ai tout de suite mis dans ma poche en espérant devenir moins cloche. C'était du tic, je vous explique. Il était en plastoc. Louf, loose blues. Loose blues. Loose blues.